La délégation de la République populaire démocratique de Corée, conduite par Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, a quitté Pyongyang par vol le 13 courant pour participer au 17e sommet des pays non alignés prévu au Venezuela. Yang Hyun-suk, vice-président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, les cadres intéressés et Alexandre Matsekora, ambassadeur russe en Corée, lui ont souhaité bon voyage.